Approche. Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur ? Comment, traître ? Tu ne rougis pas de ton crime. De quel crime voulez-vous donc parler ? De quel crime je veux parler ? Infâme ! Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser, l'affaire est découverte, et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature ? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Oh, aurais-je deviné sans y penser ? C'était mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Mais quelle belle raison peux-tu me donner ? Voleur infâme ! Oh, monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable ? Un guet-apens ? Un assassinat de la sorte ? De grâce, ne vous mettez point en colère. Quand vous mourrez, oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais ? Quoi, mon sang, mes entrailles ? Point d'armes ! Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne point faire de tort, et il n'y a rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien mon intention, et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action ? Hélas, me le demandez-vous ? Oui, vraiment, je te le demande. Un dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour ? Oui. Bel amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or. Non, non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. N'en ferai-je ! De par tous les diables ! Mais je ne te laisserai pas ! Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait ! Appelez-vous cela un vol ? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là. Ah, c'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez, sans doute. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordez. Je n'en fais rien ! Qu'est-ce à dire, cela ? Nous nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment de ne nous point abandonner. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre, à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne peut nous séparer. C'est être bien endiablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez, et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Mais j'y donnerai bon ordre, et la justice, pendard effronté, me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez, et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser, et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Je le crois bien, vraiment. Il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire. Et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi ? Je ne l'ai point enlevée. Et elle est encore chez vous. Oh, ma chère Cassette. Elle n'est point sortie de ma maison. Non, monsieur. Et dis-moi donc un peu, tu n'y as point touché. Moi, y toucher ? Ah, vous lui faites tort, aussi bien qu'à moi. Et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. Brûlée pour ma Cassette ? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cassette trop honnête ? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma Cassette ? Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, sait la vérité de cette aventure. Et elle vous peut rendre témoignage que... Quoi ? Ma servante est complice de l'affaire ? Oui, monsieur. Elle a été témoin de notre engagement. Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Et est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer ? Que nous brouilles-tu ici de ma fille ? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui ? Et de votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage ? Oui, monsieur. Comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh, ciel, autre disgrâce. Écrivez, monsieur, écrivez ! Engagement de mal, surcroît de désespoir. Allons, monsieur, faites le dû de votre charge. Et dressez-lui-moi son procès, comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui ne me sont point dus. Et quand on saura qui je suis,